Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. C'est incroyable! Asa Soti! Oh! Yannick Home! Oh! Leur puissance est stupéfiante, même selon nos standards. Ce sont des monstres! Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anime Minute EX Alpha Prime. On se trouve pour une nouvelle interview avec un nouvel invité, et pas des moindres, c'est Nicolas Uta. Salut Nicolas, comment ça va? Hello, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Merci énormément d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, j'ai très hâte d'échanger avec toi pendant l'heure qui suit. Merci de m'avoir invité, surtout. Oh bah c'est vraiment avec un grand plaisir. Donc on va tout de suite passer un peu au sujet, c'est-à-dire toi, tout simplement. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore? Donc je m'appelle Nicolas Uta. Ça veut dire Nicolas chante, voilà. En japonais. Ça décrit bien. Voilà. Et donc, je me suis lancé depuis un an dans la reprise d'opening japonais d'animé que j'affectionne particulièrement. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais par manque de temps, par manque de moyens, je ne l'avais pas encore mis en place. Ouais. Et bon, voilà, les choses ont fait que, bah, avec le confinement notamment, ont fait que je me suis lancé, j'ai pu préparer ce projet et enfin le mener à son terme. Enfin, à son terme, façon de parler, évidemment. Juste j'ai pu le lancer, quoi. Voilà, donc, parce que tu as sorti du coup deux EP, deux capsules, capsule 1, capsule volume 2. Oui. Tu as également une chaîne YouTube en parallèle pour un peu promouvoir tout ça et montrer un peu ce que tu fais. Parce que tu fais de la chanson depuis longtemps, si je ne dis pas de bêtises quand même. C'est quoi vraiment le vrai déclic qui te dit « Ok, ça y est, maintenant c'est parti, je veux faire de la reprise d'opening » et même un peu plus du coup, on en parlera, mais voilà, de la reprise d'opening. En vrai, le déclic, c'est juste que j'ai eu le budget. Ouais, bah, c'est un beau déclic, hein, déjà. En vrai, faut savoir, bah, ça fait un bon moment que je suis dans le milieu, pour pas dire très longtemps. Parce que moi, j'ai commencé à faire les concours de karaoké dans les conventions. Ouais. Il y a plus de 20 ans. Voilà. J'ai vu ta page Wikipédia, je voyais 2001 pour des choses, ouais, effectivement. Ouais. Et donc, j'avais gagné pas mal de concours à l'époque. Ouais. Et je m'étais dit, tiens, il y a un truc à faire. Je me disais, pourquoi pas se lancer dans la reprise d'opening et potentiellement dans l'écriture de chansons originales. Et c'est vrai que, bon, on sait tout ça, faire de la musique, ça coûte cher, faut d'investissement. Bah, oui. En tout cas, si on veut le faire à un niveau professionnel. Voilà. Et malheureusement, je n'avais pas réussi à trouver les personnes pour me produire. Ouais. Donc, j'ai dû attendre quelques années pour pouvoir m'autoproduire finalement. Et finalement, c'est encore mieux parce que je décide de tout et je fais ce que j'ai envie. Et ça, c'est bien. C'est ce qui est important. Hein. C'est, nous, on s'autoproduit également, notamment dans l'émission, pour être totalement libre de ce qu'on dit. Même les partenariats qu'on peut avoir, notre seule condition, c'est d'avoir aucune contrainte. Et je trouve que c'est important pour pouvoir donner vraiment la vision de ce qu'on veut donner. Et, exactement. Des fois, vaut mieux en plus des fois avoir peut-être une audience réduite ou des moyens réduits, mais donner vraiment cœur à 100% et pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Ce sera toujours mieux, je pense, que d'avoir plein de contraintes, mais peut-être un budget limité ou autre, de mettre de en avant. Quoi. Non, c'est tout à fait ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une démarche qui est en tout cas très, très noble et moi, je l'ai ressenti en tout cas, parce que moi, pour être totalement franc, déjà, je te connais depuis pas si longtemps que ça. Je t'ai découvert avec ton duo avec Cookie-san. Ah oui. Qui est un artiste que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, s'il écoute ça, moi, tu viens quand tu veux. Hein. Moi, j'adorerais échanger avec toi. Mais voilà, tu as fait un duo avec Cookie-san sur une reprise de Lost in Paradise, l'ending de Jujutsu Kaisen. Et là, on sort même de la reprise parce qu'on a tout un couplet de Cookie-san et un peu une réinterprétation quand même aussi de la prod derrière pour ajouter tout ça. Qui donne déjà quand même un résultat vraiment incroyable. Moi, j'avoue que je l'écoute un peu en boucle, je suis un peu obsédé par ce morceau. Donc, super. Vraiment, il est vraiment fou. Et du coup, j'ai été voir du coup ce que tu faisais derrière et c'est là où j'ai tout redécouvert, j'ai tout mangé. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan de reprises de base d'opening, honnêtement. Je suis très parti. J'aime beaucoup les remixes. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les remixes musicaux, mais pas forcément les reprises à proprement parler. Et j'ai ressenti, en tout cas, dans ce que j'ai écouté dans tes deux capsules, vraiment, c'est l'authenticité et surtout, c'est vraiment un amour de ce que tu chantes où j'ai l'impression que les choix sont vraiment déjà parce que tu kiffes avant tout la chanson de base. Peut-être parce que c'est pas forcément vrai. Hein, c'est... Et je comprendrais Non, je te confirme. Et je comprendrais totalement qu'il y a des fois, c'est plus pour question un peu de, pas forcément de buzz, mais de popularité de la chanson aussi. Hein, c'est, ça se comprendrait. Mm-hmm. Nous, les premiers, on peut prendre des sujets parce qu'ils marchent aussi plus que par des fois envie à 100%. Évidemment, on fera jamais un truc à 0%. Mais surtout, c'est qu'il y a aussi dans tes reprises, ta vraie patte musicale à toi. C'est pas juste tu reprends à 100% l'instru et tu vas forcément chercher à recopier le style de la chanteuse ou du chanteur, c'est que j'ai vraiment l'impression de juste écouter ta réinterprétation plus que ta reprise en elle-même. Comment toi tu abordes ces façons de faire des reprises? C'est quoi un peu ta méthode un peu de créative derrière? Comment ça se passe? Exactement. Bon, déjà, en vrai, ce qui se cache derrière tout ce projet, c'est évidemment de proposer des morceaux originaux. Oui. Là, c'est un petit peu, je me construis ma communauté grâce à ces reprises, mais le fait est que comme je suis un chanteur à part entière, je voulais pas faire simplement du karaoké sur des instrus que j'aurais trouvé sur YouTube ou trucs comme ça. Je voulais vraiment proposer de quelque chose de professionnel en réinterprétant, comme tu l'as dit, de manière acoustique. Les openings que j'affectionne, comme tu l'as dit, hein, je fais vraiment des choix plutôt de cœur que des choix éditoriaux. même si le fait est que je suis très bon public, j'aime tout ce qui est grand public, etc. Non, enfin, voilà, les One Piece, Naruto, voilà, j'adore ça. Demon Slayer, je joue dessous dernièrement également. Voilà, exactement. Maintenant, j'ai aussi repris du Fushigi no Umi no Nadia, qui est un animé des années 90. Voilà, que moi j'adore. Beaucoup plus de niche déjà. Exactement, mais je ne pouvais pas faire ces reprises sans faire ce son que j'aime vraiment énormément. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer une relecture de des sons que moi j'aime. Et d'ailleurs, même à l'époque, je me souviens très bien quand je faisais les concours de karaoké, je venais avec des amis qui faisaient des instruments pour pouvoir refaire mes versions, en fait. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose, c'est que je trouve que la manière de chanter des Japonais est totalement différente de la nôtre. Je suis d'accord. Et du coup, forcément, moi, je les chante aussi à l'européenne, on va dire. Même si, bon, je reprends des petits tics qu'ils ont à force de les chanter. Mais forcément. Et voilà, je veux vraiment proposer ma patte et pour aussi ne pas déstabiliser mes auditeurs, entre guillemets, lorsque je proposerai mes titres, ils seront déjà un petit peu habitués à ma patte. Et au final, quand je vais arriver avec mes titres, ils ne seront pas trop dépaysagés. Oui, voilà. Donc voilà, c'est vraiment de proposer du Nicolas Outa qui chante des openings que des openings juste repris par un youtubeur de plus, quoi. Bah non, mais ça, et comme je disais, vraiment, ça se ressent énormément. Et du coup, donc, tu parles beaucoup de composition originale pour le futur. Tu comptes composer toujours en japonais ou plutôt du mélange? Ah oui, oui, oui. Alors, toujours japonais 100%. Alors, si tu as bien écouté, parce que c'est vrai que des fois, le cerveau a du mal à switcher quand on écoute des sons japonais, mais j'essaie toujours d'insérer un peu de français. Dans mes capsules. Avec notamment avec Lost in Paradise, il y a toute une partie, c'est vraiment des bribes, c'est presque des adlibs en fait, et je trouve ça. Le refrain où je dis perdu au paradis. Exactement. Ça accroche. Moi, c'est vrai que ça m'a. J'étais en mode je suis remonté dedans, ok. Ouais. Et c'est vrai que quand tu le dis, t'étais dans un bon mix. Et du coup, t'aimerais continuer sur cette lancée? Oui, exactement. Je peux te le dire, j'ai déjà enregistré l'EP et en fait, dans l'EP, il y a carrément même des fois des refrains en français. Ah, c'est cool, ça. Soit il y a juste une phrase dans le refrain ou soit il y a la dernière phrase, elle va être toute en français. Voilà, ça donne aussi pour les japonophones. Ouais, japonophone. Oui, on va dire ça. Ouais. Un petit indice sur le sujet de la chanson aussi. Ouais. Et parce que c'est toujours. Alors, dans les capsules, finalement, c'est simplement. J'essaye d'adapter un peu la phrase que je remplace. Ouais. Pour mes compos, c'est toujours en rapport avec le texte que je viendrai de chanter. Ok. Mais voilà, en tout cas, ça reste dans la même veine, c'est toujours en japonais et toujours ma petite French touch que j'insère dans ces sons. Ok. Voilà. Et du coup, dans l'écriture des paroles, tu penses d'abord en japonais ou en français? Parce que du coup, la sonorité et du coup, le rythme de la voix est très très différent, que ce soit l'un ou l'autre. Et du coup, je serais Alors, très curieux de savoir du coup dans quel ordre tu fais les choses. pour tout te dire, dans les capsules, comme je dis, Oui, je bah dans les... traduis Voilà, simplement, oui. voilà. Pour mes compositions originales, en fait, ce qui se passe, c'est que sur les trois titres qui sortiront, j'ai deux titres que j'ai adaptés, en fait, qui existaient déjà en Ok. français, Ok. que moi, j'ai adaptés en japonais avec l'aide d'une amie à moi. Ouais. D'une traductrice D'accord. qui s'occupe régulièrement de traduire des jeux vidéo pour la Ok. France, Ah. pour le compte du Japon. Donc voilà. Donc j'ai travaillé avec elle là-dessus. Et sinon, non, en règle générale, de toute façon, je les pense d'abord en français, étant Ok. donné que moi, je ne suis pas fluente Ouais. en japonais. J'y travaille, mais Oui, je bah suis oui. pas encore, j'ai pas encore les capacités pour écrire de moi-même en japonais directement, en Ouais. fait. Ok. Et bah pourtant, c'est rigolo parce que du coup, j'ai été voir ta page Wikipédia. Parce que déjà, t'as une page Wikipédia et ça, c'est impressionnant déjà. Et j'ai vu que tu avais fait un télécrochet NHK après suite à ta reprise. Ça s'est passé comment cette procédure avec ça? Alors, pour tout te dire, c'est un abonné Ouais. qui m'a envoyé le casting. C'était un casting, en Ok. fait, qui était mondial. Donc, j'ai envoyé ma capsule de Dragon Ball GT. Et au bout de, sans mentir, je pense que j'ai dû faire au moins 7 ou 8 entretiens Ah oui, d'accord. avant d'être validé pour diffusion. Ah Donc, oui, d'accord. c'était une vraie sélection. Une vraie sélection. Et puis après, voilà, il y a le tournage et puis les extraits que j'ai pu mettre sur Ouais. mon Instagram, justement. Ça s'est très bien passé. Ils ont diffusé ma capsule et puis Yes. suivi d'une petite interview pour me demander un petit peu comme ce qu'on est en Ouais. train de faire finalement. Finalement, ouais. Et voilà, donc c'était vraiment une chouette expérience, surtout que j'ai eu la chance de faire ça peut-être 2, 3 mois après avoir lancé mon projet en Bah c'est fait. ça parce que du coup c'est quand même très récent, c'est quand même 2021 les capsules. Donc là on voit on est en mai 2022. Donc voilà, malgré tout ça reste récent déjà à la date d'aujourd'hui. Donc en plus pour avoir déjà fait entre guillemets une pastille à la télé japonaise, c'est assez impressionnant quand même. Et t'as eu un peu de retour derrière ton passage de peut-être de japonais ou autre qui ont essayé de faire des retours, des choses du genre? Oui, j'ai eu pas mal de retours et pas mal de messages Ouais. privés. J'ai eu quelques commentaires aussi Ouais. sur ma page YouTube. Et toujours très bienveillant. Et c'est très marrant parce que quand j'ai lancé ma page, j'avais beaucoup plus de haters qu'aujourd'hui. Malheureusement, c'est vraiment le biais des réseaux sociaux où souvent c'est au début il y en aura beaucoup et quand on voit qu'on se décourage pas, ils abandonnent aussi, hein, c'est souvent ça. C'est vrai qu'au début, j'en ai eu pas mal. Et Ouais. finalement, aujourd'hui, j'en ai toujours. Hein. Oui, bah c'est le lot, Mais hein, malheureusement, hein. toujours, de moins en moins. Et en tout cas, les commentaires des Japonais, j'ai eu que des commentaires bienveillants, Ouais. comme quoi, même que mon accent était vraiment quasiment pas perceptible. Donc, Ouais, ça c'est non, ouf, c'est trop bien. c'est le meilleur des compliments qu'on a pu me faire, finalement. Bah oui, c'est trop bien. Donc voilà, et puis on espère évidemment que j'ai pour projet d'exporter un petit peu mon travail là-bas Bah évidemment. et que j'aimerais pouvoir proposer mes titres au Japon. Donc on verra, l'idée suit son cours voilà, step by step comme on dit. Bah il faut. Et du coup, t'es pas mal dans un peu aussi dans dans les collabs, plutôt dans les groupes entre guillemets, parce que t'as fait pas mal de, enfin pas mal, tu fais partie de la chorale We Are One, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux un peu nous parler du projet que c'est et comment t'as entre guillemets atterri dans cette chorale? Alors, We Are One, ça fait un bon moment aussi que j'y suis. Hein. J'y suis Ouais. depuis que j'ai 20 ans, donc Ça ça commence à va faire faire. 20 ans. en fait, c'est une chorale gospel, Ouais. mais c'est pas. Alors, Elle s'inspire du chant gospel, sauf que, étant donné que ce n'est pas religieux, Oui. c'est plutôt une chorale soul R&B. Ouais, ok. Donc ça sonne comme le gospel, mais ce n'est pas gospel, parce Ok. que ce n'est pas religieux, justement. Et donc grâce à ça, j'ai pu collaborer avec pas mal d'artistes. Ouais. On a chanté avec beaucoup d'artistes, que ce soit à la télé, en concert. On a chanté sur toutes les plus grandes scènes de Paris. Ouais. Voilà, donc ça a été très formateur pour moi, notamment pour chanter en chœur dans un premier temps, sachant que en plus j'étais rentré en tant que baryton et Ouais. finalement j'ai rapidement évolué vers les ténors parce que bon, bah, il y a le chef de chœur qui s'appelle Obam, qui est Ouais. un grand monsieur de la musique, c'est un peu mon mentor, on va dire. Ouais. Parce que bah voilà, j'ai pris mine de rien, je prenais des cours avec lui tous les dimanches aux répètes de cette chorale et ça m'a vraiment fait évoluer vocalement et également artistiquement parce que c'est grâce à cette chorale que je me suis construit. Il m'a donné la chance en plus d'avoir des solos au sein de la chorale et ça m'a fait grandir en fait. Ça m'a fait grandir aussi bien artistiquement que musicalement que humainement. Donc c'est un beau projet et ça continue toujours Ouais. aujourd'hui. On continue toujours aujourd'hui. Alors, bon, c'est vrai que là, il y a eu confinement, donc c'était un petit Un peu peu plus compliqué, ouais. calme. Mais voilà, on a sorti d'ailleurs un titre pendant le confinement qui s'appelait Si on s'aimait, Trop bien. qui est vraiment cool aussi. Non, c'est trop bien. Puis c'est toujours important de un peu graviter avec d'autres gens qui sont autant passionnés que nous. Je trouve que c'est là où on évolue Exactement. aussi le mieux parce qu'on se confronte à des gens qui ont les mêmes passions que nous et même peut-être une autre vision. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes en évoluant et en se tirant vers le haut dans des groupes du genre, quoi. Exactement, exactement. Et tu fais aussi à partir d'un autre collectif, beaucoup plus là vers les côtés animes, le collectif de Mangekyo. Oui, le Vous avez groupe fait Mangekyo, ouais. un concert il n'y a pas si longtemps à Paris, fin d'année dernière ou début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on a fait deux, en fait. On a fait Ouais. un à l'Européen en Ouais. septembre et un récemment, très récemment, à la Cigale. Ouais. À la Cigale, et les deux événements, c'était incroyable. Franchement, J'ai la vu communauté, c'était... quelques extraits, ça avait l'air assez fou. Ah oui. J'avoue que ça m'a bien donné envie de venir. Je suis un peu loin, mais ça m'a bien donné envie en tout cas. Ah, qui sait, peut-être que bientôt on fera une tournée, on ne sait Ah pas. bah alors là, si vous passez dans l'Est, côté en Bourgogne en tout cas, ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous voir, ça c'est sûr. On Euh, espère. est-ce que tu peux un peu nous parler aussi du coup de Mangekyo, qui on peut retrouver dans le collectif et comment il s'est monté aussi finalement? Oui, alors Mangekyo, il y a quatre chanteurs dans Ouais. Mangekyo. Donc, il y a Jessie, Speedy, Marissané et moi-même. Ouais. Et en fait, nous quatre, on se connaît justement, on est tous passés par la chorale We Are One. Ah, d'accord. Tout vient de là. Donc, voilà. Et en fait, avec Benito, qui a monté la maison Otaku, Ouais. qui a une association d'événements autour des animés et du manga. OK. Donc Benito a décidé a voulu faire un concert justement live avec des icos qui reprennent en live les génériques, les openings Ouais. d'animés, avec donc des chanteurs live aussi. Donc il a contacté Jesse, qui nous a contactés pour participer. Et c'était incroyable parce que c'était vraiment au même moment où moi je lançais mon projet. Ah oui, donc les astres s'alignent un peu, quoi. Mais vraiment, c'était C'est incroyable. trop bien. Donc moi j'étais en plein enregistrement de mon EP, j'avais pas encore lancé mon compte, mais voilà, j'étais en plein enregistrement de mon EP en japonais et Ouais. ça tombait pile poil au même moment. Oh bah c'est trop bien, puis ça a dû te redonner un peu de confiance aussi de voir après le concert et tout que le public était chaud et tu te dis bah, que c'est que mon projet est méga viable et que vraiment ça va être cool quoi. C'est ça, bah, j'avais déjà lancé mon compte depuis 6 mois et le Ouais. fait d'arriver sur scène, de voir qu'il y avait déjà des gens qui me Ah, connaissaient, c'est trop bien. c'était une dinguerie. Donc non, ça fait vraiment plaisir. L'accueil a été incroyable. Donc en plus, dans le collectif, il y a aussi 8 musiciens. Ouais. Donc il y a 2 guitares, une basse, une batterie, il y a 3 soufflants. C'est vraiment une formation complète. Et en plus, on a 2 rappeurs, Zoro et Ouais. Zoro le frérot Zoro et le frérot, ouais. Cookie-san. Voilà. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a fait la connexion avec Ok. De Cookie, parce toute que façon, j'allais te lancer dessus, donc ça tombe bien. ouais, du coup, on a eu une vraie connexion Ouais. artistique et humaine. Et tout naturellement, on a décidé de faire cette collab. Et je ne voyais pas un autre titre pour le coup avec lui. Parce que, y avait, en fait, je ne sais pas si tu as vu, mais j'avais déjà fait Jujutsu Kaisen Oui, en c'est capsule. ça, justement, ouais. Mais Et sans pas le du tout dans ce rap. genre-là, sans le rap, et même dans l'instru, t'étais beaucoup plus en folk, Ouais, on était en c'est guitare-voix, ouais. ça. Et donc rien que ça, il y a une vraie différence, même dans la partie un peu reprise entre grosses guillemets, elle est très très différente de l'un à l'autre, quoi. Oui, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est. Bon, déjà, j'ai voulu la refaire avec Oki parce que j'étais un peu frustré de ne pas Ouais. avoir de partie rap Bah dans la ouais, première je version. comprends, ouais. Et au final, j'avais dans l'idée, de toute façon, de faire des capsules un peu premium. Donc, pas seulement, parce que bon, jusque-là, je faisais seulement du guitare-voix ou du Oui. piano-voix. Je m'étais dit, ah, ce serait cool de faire des collabs, Ouais. mais je veux pas faire simplement comme mes autres capsules. Je voulais pas faire du bis repetita, quoi. Je voulais apporter un truc en plus et je me suis dit, bah, je vais mettre un caron en plus. Yes. Et en plus du caron, du coup, mettre l'invité, du coup, je trouve que ça met un petit peu plus en valeur, on va dire. Bah oui, c'est Donc, sûr. du coup, voilà, je vais proposer de refaire Jujutsu Kaisen avec moi et de bien sûr ne pas reprendre le texte, qu'il écrive son propre texte. Ah bah oui, bah surtout qu'il est très doué, enfin il a vraiment une vraie plume, encore plus Assez dernièrement clair. d'ailleurs, pour l'anecdote, je trouve que son dernier EP, il a encore step up un énorme coup et beaucoup plus personnel, et il a Ouais, il est vraiment un talent, incroyable. c'est assez impressionnant, J'ai eu la chance et de ouais, participer sur un des titres d'ailleurs oui. de son EP sur Au Manga. Quand je l'ai écouté, j'ai fait waouh! Et le fait qu'il me demande de Ah. participer à ce titre, Très très grand titre, hein. c'était Au manga, incroyable. j'ai vraiment les frissons, notamment toute la partie fin, très gospel et tout, elle est incroyable, hein. Elle est vraiment. Enfin voilà, c'est Ouais. Kukisan, vraiment, c'est vraiment un grand artiste, et Ah, plus c'est quelqu'un. simplement, ouais, puis surtout, il a beau toujours être attaché à sa réputation de fan d'anime, je trouve qu'il arrive aussi maintenant à exister en tant que vrai artiste et pas juste en tant que, entre guillemets, rappeur manga, comme il a malheureusement pu l'être longtemps, étiqueté comme ça, et ça fait vraiment du bien de voir que maintenant. On peut le voir comme un vrai vrai artiste Ah, qui le mais mérite quoi. tu penses que c'est pas compatible Ah non mais le c'est pas terme, je... compatible, mais c'est que même sans être dans le délire rap manga rap etc, on peut vraiment écouter Quicksand en tant qu'artiste en tant que tel, et ça c'est important, c'est que c'est pas, je pense qu'on peut être un vrai artiste même en faisant des reprises, en parlant que d'anime, en étant voilà très fan et en parlant que de sa passion comme ça. Mais je trouve ça beau que on est tellement talentueux que n'importe qui puisse consommer quelque chose qui est pourtant de base très entre guillemets ciblé à un certain public quoi. Et ça je trouve ça cool. C'est que moi par exemple pour mon exemple personnel, ma copine n'est pas du tout dans le délire manga etc. Et quand je rentre, elle chante Lost in Paradise, ta reprise avec Kukisan, elle écoute les EP de Kukisan et a posteriori elle va aussi écouter un peu tes reprises alors que les openings d'anime ça lui passe vraiment par-dessus la tête, encore plus le japonais de base quoi. Et donc, tu vois, c'est vraiment que Bon, bah, tant mieux. vous êtes des personnes avec des ambiances musicales et un charisme musical tellement fort et un talent tout simplement qui vont au-delà de la cible escomptée en tout cas et que vous arrivez à faire ressentir vos émotions outre le fait de forcément parler d'anime, de manga et etc. etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est beau parce que c'est comme ça qu'on ouvre aussi. Finalement, les horizons sur les diverses passions, c'est qu'on peut parler de sa passion et la faire comprendre, même à des gens qui finalement ne sont pas du tout dans le délire de base, quoi. Ben merci en tout Ah cas. bah c'est. Là c'est. Du coup, c'est pas moi qui le dis, hein. Je paraphrase, hein. Mais voilà, c'est. Je trouve que c'est important et que heureusement que des choses comme ça existent. C'est que moi je consomme beaucoup forcément de musique liée à l'anime. Hein. Je pense à D-Ace, bah, Zoro le frérot. Ah bah Enfin oui. voilà, toute la clique, hein. D'ailleurs ils ont sorti un gros Psypher il n'y a pas longtemps, du coup tous ensemble, hein, c'est Incroyable. assez fou. Moi mon seul regret c'est qu'il passe pas 15 minutes, hein, parce qu'il il t'aurait pu lâcher vraiment. S'ils font une version longue un jour, alors moi je la veux Day One. Hein. Mais voilà, c'est tout ce où ils arrivent à maintenant aussi aller plus loin que ce qu'ils espéraient, je pense. Et j'espère qu'ils iront encore plus loin. Et c'est vraiment des gens talentueux qui méritent en tout cas une énorme visibilité. Et je leur souhaite tout le bonheur, tout le succès du monde qui méritent, quoi. Ça, c'est clair et net. Clairement, clairement. Du coup, j'aimerais bien connaître aussi un peu tes influences musicales, parce que voilà, forcément, je pense que tu dois être bercé un peu dans la musique japonaise, mais pas que. J'aimerais savoir un peu où tu puises et quelles sont un peu tes références dans la musique, hein, au sens large du Ouais, terme. bien sûr. Bon, moi, à la base, sans mentir, hein, c'est Michael. Ouais, bah. Moi, je suis la génération Michael Ouais, bah Jackson. oui. Voilà, Michael Jackson. Et puis, toute la musique de la Motown. Ça, c'est vraiment ce avec quoi j'ai appris à chanter. Mais pas que. Après, il y a toutes les grandes chanteuses, évidemment, les Mariah Carey, les Ouais. Whitney Houston, tout ça, c'est... Bah, tout c'est... Avant, en fait, ça chantait, quoi. Ouais, bah oui, bah je comprends. Hein. C'était... Ça poussait la voix, ça allait dans le coffre, on le sentait bien. Ouais. Voilà, il y avait beaucoup de techniques, tout ça, et en même temps, il y avait une soul, il y avait quelque chose Ouais. le but, c'est vraiment de transmettre de l'émotion, pas Ouais. justement de faire de la démonstration vocale, Non, non. c'est vraiment de transmettre ce que tu as dans toi, quand dans ton âme. C'est pour ça Ouais. qu'on appelle ça la soul music, hein. Donc voilà, c'est là toutes mes références. Après, à côté de ça, il y a aussi les shops, enfin, il y avait aussi Lauryn Hill, que j'aimais beaucoup, qui faisait du rap et du chant, chanteuse des Fugees. Il y a Brandy aussi, qui elle m'impressionne, elle a du sucre dans la voix. Et voilà, après, il y a aussi, bah voilà, il y a aussi la variété française Ouais. à l'ancienne que j'aimais beaucoup, les Brel, les Léo Ferré, Barbara, tout ça, c'était qui m'ont beaucoup inspiré aussi pour l'écriture. Ouais. Bah, après, moi, je mentirais si je disais que je n'aimais pas Céline Dion, c'est une référence pour Bah moi. évidemment. Voilà, que ce soit au niveau des textes de Goldman, mais surtout vocalement, elle est tellement Ah bah impressionnante. c'est impressionnant, vraiment. Donc voilà, pour les références de musique, on va dire un peu plus généraliste, on va dire. Voilà, ça c'est vraiment mes références. Après, côté Japon, bah, d'ailleurs, j'ai repris une de ces chansons dans une de mes capsules. C'est Hikaru Utada qui m'a Oui. beaucoup inspiré. C'est une des premières japonaises qui faisait du R&B Ouais. là-bas. Et d'ailleurs, elle a un album qui est produit par Timbaland. Oui, c'est assez incroyable. Et elle a fait un son avec Foxy Brown. Oui. Enfin, vraiment, c'est. Non, mais elle est incroyable. Elle, Puis de toute façon, elle ouais. s'exporte énormément à l'international, bah, notamment avec Kingdom Hearts, hein, forcément. La Oui. chanteuse officielle de Kingdom Hearts, où Simple and Clean. un feat avec Skrillex, quoi. C'est personne Ouais, ne l'attendait là-dessus incroyable. non plus, hein, mais C'est ça. c'est et tout est elle arrive à faire tout, quoi. C'est ça qui est incroyable aussi, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et ouais, donc il y a Hikaru Utada, après il y a aussi un chanteur qui s'appelle Kenny Rae, que Oui. j'avais découvert à l'époque, parce qu'il faisait un peu de two-step. J'étais dans ma Ouais. vibe Ouais. two-step à l'époque, avec Craig David et compagnie. Yes. Il s'était lancé là-dedans, et il chante toujours aujourd'hui d'ailleurs, Ouais. que j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, maintenant, celle que j'écoute beaucoup, bah, Lisa, Oui, bah forcément, très très forte, hein, qui Lisa. est... Elle est incroyable. C'est Bon, fou ce qu'elle arrive. un peu de déception quand je l'entends en live. Ouais. Je suis un petit peu moins hypé, Ouais, mais bon, ouais. en studio, elle est incroyable. Enfin, Ah bah voilà, c'est ça c'est clair. depuis, enfin ça fait un moment qu'elle est, allez ça fait depuis 2010 qu'elle enchaîne opening en plus Ouais. sur opening, elle est méga bankable, Ah, c'est clair. c'est un peu la chouchoute aussi du studio Ufotable, hein, où dès Ouais. qu'ils peuvent ils la mettent, et a Elle raison hein, parce qu'à chaque fois fait c'est que des incroyable. Hein. bangers, quoi. Ah non Elle bah fait que des bangers. C'est tout le temps des mélodies qui se retiennent tout de c'est suite. fou, Elle a un timbre de fou. c'est ça. Mais ma préférée, ma chouchoute ces derniers temps, et c'est très marrant parce que du coup, c'est elle qui a fait le dernier générique de Demon Slayer, c'est Ouais. Hammer, qui, Ouais. elle, est vraiment... Moi, ça fait 10 ans que je la connais maintenant. Ouais. Et c'est très marrant parce que justement, je cherchais une reprise à la base à faire d'une chanson pas trop connue, mais en même temps Ouais. un peu connue. Oui, voilà. Et je voulais une chanson de femme que j'adapterais pour moi. Et en fait, c'est comme ça que je l'avais découverte. Et non, je la trouve Ah incroyable, mais que ce très très soit forte. en studio, en live, tout ce que tu veux. Et puis, enfin, je trouve qu'elle transmet une émotion qui est vraiment... Elle est vraiment incroyable. Ah non mais c'est quelque chose de fou quoi. Et quand j'ai vu qu'elle faisait le générique de Demon Slayer, Non, franchement, je ne l'attendais pas, et surtout dans ce style. Et... Ah non. c'est très changeant de ce qu'elle fait d'habitude. Hein. Ouais, non, elle m'a tué. D'ailleurs, elle le chante. Je sais pas si tu connais. Il y a un compte sur Instagram qui s'appelle The First Take. Ouais, bah je suis sur YouTube énormément, je suis très très fan de The First Take. Incroyable. Et Il l'exercice faut il est faut fou, quoi. absolument que je le fasse. Ah bah, C'est mon objectif. ah bah j'ai très hâte. C'est les The First Take, du coup, pour Mais ceux qui connaissent pas, c'est un peu les Colors Session du Japon, si on veut. Sauf que eux, c'est vraiment, d'où le nom, The First Take, c'est une seule prise. Et sur les versions YouTube, on voit vraiment, en fait, ils mettent 3 minutes à s'installer, ils découvrent le studio, ils font des mini-balances et tout. Ils y vont. One shot, donc des fois il y a des petits ratés, ça arrive, mais des fois il y a des envolées incroyables. Je pense à un duo avec Kanabun et j'ai plus le deuxième malheureusement, qui est incroyable, où ils ont fait carrément un Psypher avec six gros rappeurs de J-Rap, ou qui balancent, ils ont fait même 3-4 sessions avec eux. Enfin voilà, mortel. c'est quelque chose, c'est mortel, que ce soit en prod musicale, parce qu'en plus souvent il y a aussi des fois les musiciens avec eux. Et c'est vraiment, il y a vraiment de tout, c'est qu'il n'y a pas que de la pop, il n'y a pas que du rap, il y a tous les styles y passent. Et c'est assez fou. Et il y a des performances vocales, mais complètement hallucinantes, de énormément d'artistes. On pense notamment à Morceau Unravel aussi, qui est donc le. J'ai malheureusement plus le nom de l'artiste, mais qui est passé dedans aussi. Enfin voilà, c'est. Bah, Lisa est passée dedans, RAOI, enfin tout le monde y passe. Et à chaque fois, c'est quelque chose de fou furieux. Et tous les Ah morceaux ouais, sont ça. disponibles sur les plateformes derrière aussi, dans tous les cas, pour l'écoute. Donc si vous avez l'occasion, The First Take, c'est assez incroyable. Et il y a pas mal de making-of aussi qui mettent aussi de comment ils font tout ça. C'est assez cool à Ouais. voir. Non, c'est vraiment cool. En tout cas, je l'ai vu chanter Ouais. sur cette chaîne du coup le dernier générique de Demon Slayer et Yes. pff, je suis tombé ah ouais, je me suis dit ah d'accord, OK. Donc c'est en live, c'est comme ça quoi. Voilà, donc elle veut faire ça, très bien. Ouais. Ah non, elle m'a tué. Et je pense qu'en ce moment pour moi c'est ma number one en tout cas. Ouais, ok. Bah écoute, C'est ça se vraiment comprend, parce qu'elle est vraiment méga talentueuse, quoi. ouais. Et il y a aussi celui qui fait les génériques de SNK. Ouais, je Comment vois, ouais. il s'appelle déjà? Revo. Oui, c'est ça. Revo. Et d'ailleurs, je crois qu'il a aussi écrit le générique de Sailor Moon Crystal, un truc comme ça. Ah, Mais c'est bon, du coup, possible. il fait des choses totalement Ah oui, bah différentes ça n'a rien à et voir. toujours très épiques. Mais oui, et puis il a un sens de l'unisson, en fait. C'est que c'est Ah ouais. quand on voit mais ses concerts, mais c'est presque sectaire à quel point c'est à l'unisson, quoi. C'est impressionnant. C'est incroyable. Bah, c'est pour ça que, enfin, moi, SNK, c'est devenu mon hymne dans les concerts avec Mangekyo. Ah C'est bah moi c'est. qui fait comment ça, Shinzo Sasageyo. Nazegayo, oui. Et c'est incroyable. En fait, musicalement, la chanson, elle est ouf. Non, elle Elle est est folle. ouf. Puis elle a surtout, c'est que le fait que ça se calme, la prod se calme pour le refrain, mais qui repasse en chœur à l'unisson. Enfin, Ouais. il y a tout. Puis c'est hyper, ça rentre, ça bourre le crâne, mais d'une bonne façon. Enfin, c'est Oui. musicalement, elle est folle de toute façon. Puis en plus, l'impact avec l'opening derrière est encore plus là Ouais. pour être fort. Mais c'est fou. Puis vraiment, il Et y a des, elle doit être techniquement, folle. Ouais. elle est ouf aussi. Ouais. Je Puis sais qu'à la fin, je suis mort. ouais. En plus, c'est qu'il y a des changements de tempo assez violents dedans d'un coup. Ça s'accélère, ça Oui. ralentit, on pousse d'un coup. Enfin, Et il y a un c'est. espèce de mix avec les openings précédents aussi. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. Et ça, je me suis dit, mais non, le gars, il est trop fort. Il est beaucoup Il trop est trop fort. fort, il est trop fort. C'est Donc, incroyable. voilà pour mes influences. Et bah, c'est hyper intéressant. Maintenant, on va parler d'influence, mais finalement, qu'on peut construire ta passion des mangas, de l'anime, etc. Est-ce que tu te souviens du premier anime ou du premier manga en tout cas, qui t'aura retenu ton attention quand tu étais petit? Moins petit Alors. d'ailleurs, possiblement. Non, j'étais vraiment petit, Hein. moi. Ouais. Je fais partie de la génération 80, donc Ouais. du coup, je fais partie de ceux qui ont eu la 5, Oui, bah qui oui. ont eu Youpi l'école est finie, qui ont eu Yes. Club Dorothée, Ouais. qui ont eu tout ça. Donc du coup, alors, de ce que je me souviens, alors le premier, je pourrais pas te dire, moi j'ai l'impression que c'est un ensemble. Genre, on est arrivé avec une Ouais, boîte, bah, il y avait après, il y a eu au moins tellement de 10 choses, animés, ouais. quoi. Ouais, bah, cette Moi, ceux génération-là, c'est qui beaucoup m'ont. ça, ouais. Oui, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, forcément, c'est Dragon Ball. Ouais, bah, forcément. L'arrivée de Sangoku, c'était Bah, c'est incroyable. incroyable, incroyable. Y a eu Sangoku, enfin Dragon Ball. Il y a eu Tom Sawyer. Ouais, très très fort, J'ai Tom eu Sawyer. Tom Sawyer. J'ai eu la copro franco-japonaise Ulysse 31. Ouais, bah oui. Forcément, j'ai eu aussi dans le sport, moi j'ai Jeannet Serge, hein, Ah bah, l'animé de volley. trop bien. Parce que oui, avant IQ, il y avait déjà un animé Et a de déjà un très bon volley. anime de volley. Hein. Ouais, mais bon, qui était plus axé sur, pour le C'est coup, bah c'est sur un... les sentiments, Il est mais quand typé même, il y avait. shoujo dans le manga de base et pas shonen, contrairement à IQ, donc forcément. Mais quand Voilà. ça va au sport, ça va au sport, quoi. Par contre, il rigole pas non plus là-dessus, quoi. C'est ça, c'est ça. Et après, voilà, il y a eu bah forcément. Bah si, il y a eu Princesse Sarah aussi, pour Ouais. rester dans le shoujo, qui était vraiment un anime que tout le monde regardait en vrai, Ouais. hein, franchement. Bah, de toute façon, Et oui, c'est puis, qu'on ne zappait pas. Hein. et pour rester dans le sport aussi, forcément, tous les animes de foot, donc Olive et Tom, L'école des But pour champions. Rudy, L'école des champions. Voilà, ça c'était les trucs que Les tu voulais classiques. pas rater, quoi. Bah non, c'est trop bien en même temps, Ah, et encore j'ai aujourd'hui. oublié aussi, bien sûr, Saint Seiya, Ah bah oui. obligatoire. Ça, Chevalier de c'était. Zodiac, très Ouais. très grand de série aussi, hein, évidemment. Et d'ailleurs, c'était un trio, je me souviens, donc, les Chevaliers Zodiac, Dragon Ball Z Ouais. et Ken le Survivant. C'était diffusé le mercredi et j'étais le seul qui n'allait pas à l'école à ce moment-là ou au travail. Et j'étais en charge D'enregistrer pour tout le monde. par mon père et mon frère de les enregistrer. Et on regardait ça après pendant le déjeuner. Ah, trop bien. J'en souviens, c'était tout un rituel à l'époque. Ma mère, la pauvre, n'était Ouais. pas du tout là-dedans. Elle Ouais. subissait. Mais bon, au final. Elle regardait quand même, hein, Bah oui, non, mais c'est. vu que ça nous faisait kiffer, en fait, elle a Elle était contente de kiffé. voir, ouais. C'est ça. Mais toi, c'est Donc, rigolo parce que. J'ai fait une interview du coup pour Anime Minute lundi soir là qui sortira juste avant la tienne avec ouais. Amano qui est donc un youtubeur qui parle de chiffres de vente de manga particulièrement et donc D'accord. il est beaucoup plus jeune que toi ou moi-même il a à peine 19 ans tu vois En effet. et lui aussi son premier contact c'était Dragon Ball tu vois et D'accord. j'ai trouvé ça cool que moi je suis entre vous deux moi je suis 94 donc moi je suis dans les Ouais. 30 et moi aussi mon premier contact c'était Dragon Ball. Et je trouve ça fou qu'on a tous un peu entre guillemets une génération d'écart. Et pourtant, Dragon Ball est toujours là. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gamins qui découvrent aussi les animes avec Dragon Ball, quoi. Et Bah, je à trouve travers ça les parents incroyable. aussi, je C'est ça, dirais. bah lui, c'est ce qu'il disait, c'est son père qui lui avait dit, bah c'est Dragon Ball, regarde, moi j'adore ça. Et voilà, je te fais découvrir. Et c'est fou, quoi. Moi j'ai découvert via les rediffusions, du coup. Ouais. Et ouais, mais pareil, moi ça m'a tout de suite tiqué. Et pourtant, c'était déjà dans l'univers du manga, c'était déjà des codes qui existaient, surutilisés. Mais Ouais. c'est fou comme à quel point c'est toujours bien Dragon Ball, Dragon Ball Z. Moi, je suis aussi très fan de Dragon Ball GT. Je trouve ça J'adore incroyable. Dragon Ball GT, mais les gens, justement, quand j'ai sorti ma capsule, j'ai dit, est-ce que Ouais. Dragon Ball GT est pas sous-estimé? Mais je pense qu'il y a une deuxième vague de gens qui reviennent dessus maintenant où c'est beaucoup moins la frappe facile Dragon Ball GT. Parce que, en fait, je pense que le fait que Super soit pas non plus adoré de ouf aide beaucoup Ouais. au succès de GT. Mais franchement, GT, il y a des idées de fou dedans. Hein. Enfin, rien que le Super Saiyan Bon, en 4, des fait, choses du genre, c'est incroyable. Hein. oui, ben en fait, ouais, Dragon Ball GT, il faut virer la première saison et après tout va Oh, bien. moi, j'aime bien quand même, mais ouais. Non, moi, j'aime pas Pain, en fait, c'est ça le point. Enfin, Ah, Pan, Pan, ouais. je. Ah, moi j'avoue que j'aime bien Pan, donc j'avoue que voilà, je suis client. Moi j'avoue que GT, il y a peu de choses que j'aime pas, parce que j'aime bien Ouais. l'humour Dragon Ball de base. Moi je suis très fan de Dragon Ball, Moi le aussi. côté. Après, voilà, même pour les. Ça manque de vrais combats à la Dragon Ball GT pour le faire Ouais. être aussi bien, quoi. Ça doit être ça surtout d'un première partie. Mais en tout cas, pour la petite anecdote, Dragon Ball GT, c'est Ouais. le premier générique en VO Ouais. que j'ai entendu, en fait, Waouh, trop bien. d'un manga. Parce qu'à l'époque, bah, Il y tous avait les les. génériques Bah étaient oui. chantés par Bernard Ken Minet, Doherty et compagnie, les quoi. musclés, la totale, quoi. Bon, Framboise. je critique, mais moi, à l'époque, je Ah non, mais moi, kiffais. j'adore, même encore aujourd'hui. Hein, Hein. même les Bioman, Ouais. etc. Moi, je les ai en tête. Quand tu m'as dit, quand on parlait des Gods des Champions, j'ai tout les génériques en tête. Pareil pour Jeanne et Ben Serge. Moi, c'est oui, mon bien premier truc qui sûr. me vient avant tout. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, Dragon Ball GT, ça avait été diffusé à l'époque sur TMC parce Ouais. qu'ils avaient arrêté Oui, bah oui. le Club Dorothée. Et du coup, c'est la première fois qu'ils diffusaient le générique original. Et quand j'ai écouté, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça Qu'est-ce qui tue! se passe? Mais trop bien. Mais Ah ouais. en plus ce générique est vraiment incroyable, hein. C'est que Ah les gens ouais, en il est fou fou. furieux. Bah, c'est pour ça aussi que je l'avais pris Oui. dans mes premières capsules, que je n'avais pas fait T'Challa et T'Challa, Ouais, ou les que. classiques, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà, je voulais vraiment faire Dragon Ball GT parce que j'adore cette série de Ouais. 1 et en plus, j'adore les génériques, je le Ah, mais ils sont trouve. trop bien. C'est mon générique préféré de l'univers de Dragon Ouais, moi Ball, je suis pour te d'accord dire. avec toi. Moi, je suis avec toi là-dessus. Hein. C'est vraiment, c'est, je le mets en, moi, c'est un hymne aussi, hein, pour le coup. Hein. Il est fou furieux. Hein. Il est incroyable. Donc voilà. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des creux dans la consommation d'anime à des périodes données? Est-ce que toi, tu as continué depuis à toujours consommer un peu régulièrement anime, manga? Ou est-ce que pareil, tu as eu un petit éloignement et tu es revenu à un moment donné à tout ça? Alors moi, pour tout te dire, j'ai eu. Alors, ce n'est pas vraiment un éloignement. J'ai eu une passion moins prononcée. Moi, je Ouais. suis un passionné, mais vraiment un Ouais, non, mais passionné, je comprends. que ce soit, mais que ce soit pour les mangas, mais aussi pour la musique, Ouais. pour le cinéma, Yes. pour le sport, le tennis, la Ouais. boxe, le muay thaï, le MMA. Moi, quand je suis passionné, je suis un vrai passionné. Je Ouais. donne tout. Ouais, je connais Et ça, c'est t'inquiète pas. vrai. De pareil de mon côté, donc je relate très fort. C'est vrai que à un moment, bon, la passion du manga, il faut le dire, ça coûte très cher. Ah oui, bah, Si tu veux tout lire, si tu veux, Ah surtout, bah. alors moi, à mon époque, il y avait quand même beaucoup moins d'offres, Oui. donc c'était facile de tout Ouais. suivre. Voilà. Et à un moment, je pouvais plus tout Ouais, suivre, bah, c'est c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais vrai. de toute façon, il y a une surconsommation, une surproduction surtout. Surtout dans l'anime, le manga aussi beaucoup, mais l'anime en ce Ouais. moment, une surproduction, et voilà, c'est tout un sujet encore à débat, mais qui est pas forcément bienveillant d'une Oui, bonne façon. Mais pour tout c'est vrai. suivre, mais surtout quand on veut rester dans la légalité à 100%, même s'il y a beaucoup de solutions à moindre coût, ça reste des sacrés budgets et un sacré temps aussi, malgré tout. C'est ça. C'est surtout au niveau du temps où, à un moment, j'ai essayé aussi de privilégier un petit peu ma carrière, entre guillemets, Ouais. musicale, côté soul, R&B. Du coup, j'étais Yes. obligé un petit peu de m'éloigner parce que j'étais vraiment très investi là-dedans. Mais j'ai toujours suivi. Je continuais d'acheter des mangas, de Ouais. suivre certains classiques, on va dire Naruto. J'ai jamais Ouais. arrêté, j'avais tout vu. Enfin voilà, au fur et à mesure de la diffusion. One Piece, par contre, bon, j'avoue que moi, je fais par période, je Ouais. regarde par Non, bloc mais d'épisodes. tu as raison, hein. Moi, j'avoue que je suis chapitre surtout, c'est moins long pour être. Ouais, je comprends, je comprends. Mais du coup, voilà, je suis toujours dedans. Je regarde régulièrement. Je me fais une petite salve d'une centaine d'épisodes. Ouais. Et puis voilà. Là, je vais arriver, je crois, à l'épisode 800. Donc, Ok. j'ai encore Ouais, t'as un peu de temps. 255 épisodes exactement, en gros, avant de, Voilà. entre guillemets, d'être à jour, donc c'est bien, c'est pas mal. En plus, le Non, rythme est lent, donc c'est pas plus mal. moi, attendre à la semaine, j'avoue que c'est difficile. Ouais, bah Je le c'est... fais pour certains. Ouais. Pour certains, Demon Slayer, je l'ai Ouais, fait. mais après, Mais ça par contre, je saisonnier, du sais, coup. Tu sais que ça c'est arrive à une ça. fin, quoi. Exactement. Alors que, voilà, c'est vrai que, par exemple, Dragon Quest, que j'adore aussi, Ouais, ça, c'est très très un de grand. Bah, mes il est incroyable. basiques. Et Dragon Quest, par exemple, ça, souvent, je laisse des petits 5-10 épisodes Ouais. et hop, je m'en regarde 5-10 d'un coup. Parce que, à la semaine, c'est vrai que le rythme est assez lent et tu peux décrocher. Non, puis malgré tout, c'est beaucoup de pression, un peu entre guillemets, de si que tu veux regarder la semaine, c'est que tu peux vite entre guillemets te mettre en retard, les grosses guillemets, et malgré tout, c'est très chronophage hein, de suivre comme ça. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment décroché Ouais. totalement. Je me suis un petit peu éloigné, mais je suivais de loin et j'avais toujours ce doux rêve un jour de faire ce projet en japonais. Ah, c'est charmé. Et du coup, ce serait quoi les œuvres qui auraient un peu marqué du coup tout le long de ta vie en fait? Quelles sont les œuvres qui t'auraient le plus marqué du coup au fil de ce que tu as consommé? T'as tous les anciens, on va Ouais. dire. Moi, je classe vraiment en deux groupes. Yes. J'ai tous les anciens type Dragon Ball Z, Ouais, voilà. Ken le Ouais. Survivant, Ranma Ah, Demi. trop bien, Oui, Ranma un demi, c'est trop trop bien. Rumiko, c'est, Ouais. je la porte dans mon cœur très C'est fou, fort. c'est fou. Non, mais moi Toute aussi, son c'est. œuvre, je suis Moi, c'est fan. quelque chose que j'adore aussi. Hein. J'ai les DVD non censurés depuis que ils sont sortis chez Oui, pareil. Bébé. J'ai racheté la Ouais. réédition du manga. Enfin, Ranma un demi, Pareil. pareil, quand j'étais gamin, et ça m'a toujours suivi, quoi. Voilà, Ranma, Juliette, je t'aime, Voilà. Inuyasha, tout ça, Ah, c'est c'est bon. vraiment la base pour moi. Ouais. Bon, moi, j'ai beaucoup de sœurs, donc il y a aussi Sailor Moon qui m'a Bah, c'est marqué. très bien Sailor Moon en même temps, c'est vraiment génial. Hein. Ouais, bon, plus la version originale que Ouais. la version Crystal, je suis pas du tout Ouais. dedans, par contre. Bah, sur Crystal, il Mais faut déjà regarder la version Blu-ray, la version télé était vraiment en oui, sous-production étrange. c'est vrai. Mais puis le chara-design est très particulier par rapport à ce qu'on connaît aussi malgré tout, quoi. Bah pourtant, il se rapproche plus Ouais, du du manga, manga, ouais. Mais quand on est habitué à la mais première anime, ça c'est peut ça. perturber. C'est ça. Et puis le travail qui avait été fait sur le premier anime était tellement fou. Ouais, Autant ouais. les fillers, bah, par exemple dans Naruto, moi les fillers, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai pas Ouais, du bah tout aimé. c'est toujours compliqué en même temps. Autant bah, dans Sailor Moon, par exemple, la série n'existerait pas sans les fillers, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, c'est que dans le manga original, il y a tellement de passages qui auraient dû être des fillers Oui. et que la série, entre guillemets, va venir rattraper ça. Et que, bah, en fait, c'est que juste que la série pouvait se permettre d'en faire des biens, alors que Naruto, c'est pour attendre que le manga sortait plus. Donc, c'est C'est toujours ça. deux approches différentes. Tout à fait, exactement. Donc voilà, donc ça, c'est les premiers mangas, on va dire, comment je pourrais dire, Un peu la base en doudou, fait. un peu câlin, ouais, voilà. Voilà, exactement, qui ont bercé mon enfance. Voilà. Et après, tu as bah, tous les mangas qui restent aujourd'hui à l'affiche, donc les Oui, One Piece, ouais. Naruto, il y a aussi, comment ça s'appelle? Bah oui, bah, Demon Slayer, Ouais. Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, tout ce qu'il y a actuellement. Ouais, bah oui. Voilà. Et Des grosses après, frappes, t'as, ouais. voilà, et en fil rouge, tu as évidemment tous les animés du studio Ghibli Oui, bah voilà. qui ont traversé, qui traversent les âges. Voilà, ça aussi, c'est une base quand même qui est importante de souligner. Oui, c'est très important. Et puis, de toute façon, c'est des choses qui sont malgré exportées quand même au grand public, quand même cinéma, etc. etc. C'est difficile de passer à côté, où même des gens pas trop forcément dans le délire anime-manga vont aller les consommer également, quoi. Exactement, exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à Arrietty, où c'était une Française qui avait fait la bande originale, que ce soit en japonais Oui. ou en français, et ça c'était aussi assez incroyable. Oui, je m'en souviens très. J'ai oublié son nom, attends, Ouais, comment il s'appelle? malheureusement, moi aussi. Je suis très nul avec les noms, hein, pour le coup, donc les gens ont l'habitude qui m'écoutent, Oui, mais c'était pas une je Bretonne. crois que oui, Il me semble. qui faisait du violoncelle, si je dis pas de bêtises, ou de la Ah, je me contrebasse. souviens plus. Je me Mais souviens voilà, c'était plus. fou, et je me souviens à l'époque, c'était l'événement où c'est la française qui vient faire toute la bande originale et surtout le thème principal d'un. Surtout quand tu passes après hein, des Joe Hisaishi, etc., etc. C'est C'est impressionnant, ça. quoi. C'est fou. C'est C'est ça. fou comme façon de faire. D'ailleurs, est-ce que toi, hier, bah, je pense que tu en as cité un peu, mais des feats avec des musiciens et musiciennes japonaises, que tu aimerais faire à moyen, long terme. Donc, évidemment, je pense que ceux que tu as cités plus tôt, si ça devait arriver, tu dirais pas non. Ça, y a pas trop de j'ai pas trop Ça, de c'est doute. clair. Mais ouais, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aimerais. Parce que peut-être que tu aimes moins, mais que musicalement, tu te rapproches peut-être plus de ce qu'ils représentent. Non, faut que j'aime musicalement. Oui, non, bah oui, Moi, il n'y a pas le j'en choix. doute pas, heureusement. C'est Non. mieux, ouais. Si, il y a. En ce moment, je suis fan de ceux qui font les génériques de Tokyo Revengers et Spy Oui, Family. oui, oui. J'aime beaucoup ce Oui. qu'ils font. Mince, Donc, attends. Crybaby, le morceau de Tokyo Oui, de Revengers, Tokyo c'est Revengers. Damon quelque chose du genre. Pareil, je vais en nul en nom, c'est terrible. Mais en fait, c'est que c'est musicalement, c'est tellement à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre, c'est hyper intéressant, quoi. Non, mais les C'est harmonies, fou, c'est mais fou. elles sont incroyables. Elles sont incroyables, vraiment. Donc, il y a eux qui vraiment, bah, eux, pour le coup, ils se rapprochent vachement de ce que j'aime. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de soul, de R&B dans la manière de chanter, etc. Donc, il y a eux. Et sinon, il y a aussi, bah, tout à l'heure, on parlait de IQ. Je crois que le groupe, il s'appelle Burnout Syndrome ou Synchrone, Ouais, peut-être. burnout syndrome, je crois. Ouais, Burnout Syndrome, ouais. Alors, eux, je suis fan. Ouais, Pareil, dès qu'ils sortent un générique, c'est très rock pour le coup. Bon, j'adore le rock aussi, hein, ceci dit. Je n'ai pas donné de référence rock, mais j'adore le rock aussi. Et bah, Fly High, je trouve que c'est Ouais. un banger de dingue. Et pareil, il y a toujours, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils chantent vraiment tous avec leur cœur. Et ça, Mais c'est c'est ça ça qui est qui me fou. touche, en fait. Il y a un engagement qui est incroyable et c'est pour ça que je les admire de fou. Donc voilà, si je pouvais faire un feat avec eux, en tout cas ce serait parfait Bah qu'ils m'entendent. c'est tout ce qu'on souhaite. S'ils nous écoutent, hein, c'est tant jamais. Ça m'étonnerait, hein, vraiment. Ce serait très étrange. Surtout en français. Ah bah oui, surtout, vraiment, il n'y a aucun support pour qu'il se raccroche à quelque chose, là, ce serait vraiment étonnant. Ce serait un peu drôle, en tout cas. Et pareil, c'est... Est-ce que, pareil, en artiste, du coup, plus francophone, Donc, tu as fait Cookiesan notamment récemment. Est-ce qu'il y a déjà des, pas forcément des choses en production, mais pareil, d'autres artistes vers qui tu aimerais te rapprocher, même pas forcément dans le délire anime, vraiment des artistes à qui tu aimerais collaborer pour faire des choses? Délire anime, bah bien, bon, il y a des collabs qui arrivent, donc je Ouais, veux pas mais trop. voilà, c'est parce que je m'en doutais qu'il y en aurait, mais je veux pas que tu dévoiles pas Oui. tout, que tu en gardes quand même. Ça, c'est pas le Ouais. but non plus, hein. Mais voilà, Après, c'est. ouais, en tout cas, y a des collabs qui arrivent que je ne vais pas citer, que vous Oui, verrez, voilà. forcément. Sinon, des collabs qui ne sont pas en préparation pour le moment, mais que j'aimerais, bah si, bah forcément, D-Ace, c'est Ouais. quelqu'un dans le milieu, et puis surtout, il a un talent C'est incroyable. À fou, chaque mais fois même en qu'il chantant, débarque, c'est je dans. suis choqué. Il a un timbre de voix qui est vraiment impressionnant, c'est fou quoi. Ouais, après, il y a aussi, bah forcément, je sais qu'il a plein de refs manga, donc forcément, il y a Orelsan Oui, bah oui. qui est dans le délire aussi. Il y en a un qui fait pas du tout enfin, si, parce que son nom, quand même, il est clairement référencé manga, mais il fait moins de références dans ses sons, mais ce serait intéressant, justement, j'aimerais bien le convier, mais bon, il est tellement connu, et il y a Soul King, Oui, forcément. bah oui. Qui est dans le délire manga et je sais qu'il est à fond dedans. Ouais, bah oui. Ou oui, alors là, ce serait un honneur et surtout, je le trouve très très fort techniquement aussi. Surtout en chant, je le trouve incroyable. Donc voilà, c'est le type de collab que j'aimerais bien faire. Ouais. Après, en femme, malheureusement, il y a pas, je connais pas de femmes qui sont dans le domaine. Ouais. Mais ce serait super intéressant d'en rencontrer, de pouvoir faire des collaborations. Ah si, si, si, je mens en plus. Il y a Ouais. une DJette, mais elle est japonaise. Ouais. Elle travaille en France, mais elle est japonaise, OK. s'appelle Tigara. Ouais, je connais pas du tout, ouais. C'est une DJette japonaise. D'ailleurs, je crois qu'elle a collaboré avec une française. Ouais. Il me semble qu'elles ont fait une reprise d'un son, mais j'ai oublié le son. Mais voilà, que je trouve très forte aussi. Voilà, pourquoi pas aussi une petite collab à Nicolas Tigara, ce serait parfait. Bah de ouf, tout ce qu'on te souhaite en tout cas de pouvoir faire tes envies jusqu'au bout. On va aller sur une dernière question, puis on va pouvoir se quitter tranquillement. On parlait d'Orelsan, et Orelsan, déjà, alors on va même aller sur deux questions, allez, soyons fous. Sur une première qui est un peu moins vers le champ, Orelsan il a doublé Saitama dans One Punch Man. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose, le doublage, qui pourrait t'intéresser, un métier de voix comme ça, ou est-ce que tu te sens pas ni légitime ou même dans ce délire-là? Alors, je le ferai si Ouais. je sens que je pourrais le faire. Ouais. Ça dépend du rôle, en vrai, Oui, hein, bah c'est déjà toujours ça joue pareil. beaucoup, ouais. C'est ça. Bah, pour la petite anecdote, Ouais. ma sœur a déjà fait du Ah, doublage. trop bien. Elle a doublé le film de X de Clamp. Ah, trop bien. C'est charmé. Ouais, Elle fait qui dedans? elle faisait Kotori. Ah, mais ah, trop bien. C'est Ouais. hallucinant. C'est trop, trop bien. Et donc j'avais assisté à Ouais. plusieurs séances et tout, et je m'étais dit, ah, pourquoi pas. Mais Ouais. bon, je pense que par contre, il faudrait vraiment beaucoup de travail. Moi, je suis un Bah c'est. travailleur, Oui, non, je suis un puis bosseur. quitte à faire quelque chose, autant le faire à fond, quoi, surtout. Exactement. Pourquoi pas. Mais bon, non, moi, mon vrai truc, ce serait de chanter un générique, enfin, un opening, en Bah fait, voilà, et bah c'est là où je voulais simplement. t'emmener justement, c'est que Orelsan a également fait un feat avec Jam Project pour l'opening de la saison 2 bah, de One Punch Man, du coup. Ouais. On n'attendait pas dessus, hein, c'est assez fou. Est-ce que toi, justement, bah oui, t'aimerais faire un opening, mais est-ce qu'il y a une série où t'aurais aimé faire l'opening, ou alors même un manga que tu lis, que s'il y avait un anime, t'aimerais faire l'opening si ça devait arriver? Bah moi, je rêverais de faire l'opening de la saison 2 de Tokyo Ouais, bah oui, Revengers. évidemment, Ça, évidemment. c'est clair. Ce serait Jujutsu fou. Kaisen aussi, Ouais, saison pourquoi 2. pas. Bah en vrai, tout, même un animé, un opening de One Piece, ce Ouais, serait le ce rêve. serait incroyable. Ça, ce Ce serait, serait là, fou. ce serait, là, je pense que j'aurais touché le Graal Ah si bah j'arrivais là, à faire ça. ce serait Mais bon, incroyable. soyons fous, pourquoi pas. En tout Bah, cas, c'est en rêvant grand qu'on arrive à faire ce qu'on veut, hein. en avant-première, je peux déjà dire que dans mon EP que Ouais. je prépare, un des trois sons, c'est un opening. Ah, charmé. Donc voilà, pour l'instant, d'aucun animé, mais en tout cas, je l'ai Oui, travaillé comme si sous. c'était un opening, ouais. Voilà, Ah, c'est hyper exactement. intéressant, ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, on commence à avoir un peu de production animée française, on pense à Radiante assez récemment. Oui. Et bon, bah, les loups qui ont été se fournir, là, pour le coup, au Japon pour l'opening. Mais c'est pas inimaginable de voir des productions où on a de plus en plus de manfras, donc les mangas français qui s'adaptent et qui s'exportent, ou avec un peu de chance, ou même juste parce que il repère des gens, que d'artistes français puissent du coup bah peut-être se taper aussi, quitte à faire du français, y aller à fond quoi. Ça pourrait être vraiment charmé de pouvoir exporter ça comme ça. En tout cas, je suis là pour ça. Ah bah, si nous écoute, c'est ton jamais. Le message est lancé. Eh bah écoute, moi, c'est tout le bonheur que je te souhaite, que tous tes projets vraiment puissent aboutir aussi loin que tu veuilles, et même plus encore. Merci énormément d'avoir passé cette heure avec nous. C'était vraiment hyper intéressant. On a pu aborder plein de sujets et on aurait pu en aborder encore mille et un. C'était vraiment hyper cool. Vraiment, merci infiniment. Merci à toi pour l'invitation et merci pour l'échange qui était hyper intéressant. Et comme tu dis, on a envie de parler des heures quand on parle de ça. Et c'est ça qu'on reconnaît les passionnés, c'est quand on se connaissait pas avant et pourtant on arrive tout de suite à se capter sur plein de choses, à se retrouver un peu dans ce que dit l'autre. Et ça, c'est ça que j'aimerais retrouver dans toutes les interviews que je fais, en tout cas. Exactement, bah, super en tout cas. Et où est-ce que du coup on peut te retrouver pour écouter et pour voir tout ce que tu peux faire? Alors, sur Instagram, ouais. Nikora, donc nikora.uta, yes. Donc Nikora pour Uta, et sur YouTube aussi, Nikora Uta, qui s'écrit pareil. Hein. Tout simplement. Voilà. De toute façon, tous les liens sont en description, si vous avez le moindre doute, et dans le tweet d'annonce également. Voilà, et puis après, sur toutes les plateformes de streaming aussi, yes. On peut trouver quasiment toutes les capsules que j'ai faites pour l'instant. Ouais. Ça sort au fur et à mesure. Ah bah nickel. Quand je peux, je les mets dessus quoi. Voilà. Et donc bientôt un nouvel EP encore, si j'ai bien compris. Bientôt un nouvel EP. D'abord une collab arrive très ouais. Prochainement. et ensuite on balance le premier single de l'EP. Et bah nickel. Et bah j'ai très très hâte d'écouter ça. Je pense que tout le monde a hâte. Encore une fois, merci beaucoup. On va pouvoir te libérer, tu reviens quand tu veux. Vraiment, c'est avec grand plaisir qu'on te réinvitera peut-être dans un partagé dans un format plus classique. Même si on se déplace à Paris pour tourner, on n'hésite pas à te dire si on peut faire des choses avec toi. Avec plaisir. Et super. Merci énormément et plein de bonheur et plein de force dans tout ce que tu fais en tout cas. Merci, force à vous tous. Allez, ciao, merci ciao. Beaucoup. À bientôt, des gros bisous. À bientôt, bye. Ton destin.